L'ouverture de l'exposition de photos consacrée au 71e anniversaire de fondation de l'Organisation des enfants de Corée, Le Soleil et les enfants, a eu lieu le 31 mai au Palais central de la jeunesse à Pyongyang. Y ont pris part Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, les cadres intéressés, les enseignants, les élèves de la capitale. Dans la salle étaient exposées les photos sur les exploits immortels des généralissimes Kim Il-sung et Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un qui ont inauguré le mouvement original des enfants et formé les générations montantes en hommes compétents révolutionnaires dotés des connaissances, d'une moralité et de la robustesse et en pilier de la Corée prospère. Y étaient également exposées des photos montrant l'aspect heureux des enfants qui se forment parfaitement en maîtres de l'avenir dans le giron affectueux du Parti Travail de Corée.